Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Nijinsky, le dieu de la danse. Le 29 mai 1912 à Paris. Difficile aujourd'hui d'imaginer le choc suscité ce soir-là par la création de l'après-midi d'un faune, ballet sur une musique de Debussy, chorégraphié et interprété par Vaslav Nijinsky, 23 ans, le danseur vedette des ballets russes, déjà célébrissime pour la virtuosité de ses sauts. Mais ici, pas de sauts acrobatiques, pas de gracieuses ballerines s'élançant vers le ciel. Dans la sensualité érotique et troublante du faune, c'est le corps désormais qui parle. Avec Nijinsky, ce qui n'était qu'un divertissement pour abonnés à l'opéra devient un art à part entière. Un an plus tard, encouragé par son mentor et amant Sergueï Diaghilev, Nijinsky prouve qu'il n'a peur de rien en art. Le 29 mai 1913, son Sacre du printemps sur une musique de Stravinsky va encore plus loin dans le bouleversement des codes, des mouvements, du rythme et provoque un tollé fracassant. Jamais le théâtre des Champs-Élysées n'a connu et ne connaîtra plus un tel scandale. C'était l'époque où le public se passionnait pour l'art. L'année suivante, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale et pour Vaslav Nijinsky, le début d'une longue descente aux enfers. C'est l'histoire de cet artiste de génie que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Mathias Auclair, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France. Vous reconnaissez bien sûr cet extrait du début du Sacre du printemps, interprété ici par la baguette très tonique de Vassili Petrenko et l'Orchestre philharmonique de Liverpool. Sans Nijinsky, il n'y aurait peut-être jamais eu de Sacre du printemps. C'est suite à une commande, je crois, que Stravinsky a composé cette œuvre. Oui, en même temps, on sait que Stravinsky et Nijinsky ne s'entendaient pas si bien que cela. En tout cas, Stravinsky a eu des mots extrêmement durs pour Nijinsky en disant que, en fait, il comprenait pas grand-chose à la musique qu'il avait écrite. La chorégraphie de Nijinsky est en complet clivage par rapport à tout ce qui a été fait avant lui et par rapport à ce que lui-même a fait. Et puis, il y a aussi Röhrich qui donne une interprétation sauvage, à la fois du point de vue des décors et des costumes, de cette Russie fantasmée. On y reviendra tout à l'heure. Mathias Auclair, vous connaissez bien Nijinsky et les ballets russes. Vous avez été commissaire de deux expositions sur les ballets russes. Alors d'abord, comment expliquer cette espèce de foisonnement qui se passe en 1912? On est avant la Première Guerre mondiale. Il y a un foisonnement artistique qui arrive de Russie et qui se fait à Paris. Comment ça se fait que la danse comme ça arrive de Russie et se fait à Paris, la création dans la danse? En fait, Paris est la capitale du monde à cette époque-là, en tout cas la capitale artistique, et d'une certaine façon c'est le théâtre de toutes les modernités, de toutes les innovations, dans le domaine du spectacle comme dans d'autres. Il y a un climat, comme peut-être il y a eu un climat à New York à un certain moment, ou un climat à Berlin, enfin ces grandes villes qui, à un moment de leur histoire, focalisent l'attention et focalisent aussi les intérêts, la modernité, et qui par elles-mêmes font naître quelque chose de tout à fait original. Alors, Paris connaissait une vie culturelle, vous l'avez un tout petit peu évoqué dans votre chapeau, peut-être un peu raciste par certains côtés, avec ses abonnés de l'opéra qui venaient consommer du ballet, et finalement l'opéra... Regardez les petites danseuses. Exactement, l'opéra avait beaucoup de mal à se rénover. Du point de vue de la danse, il était resté dans une vision très passéiste, où la danse, ça n'était qu'un petit divertissement pour faire passer un opéra, mais en tout cas, il n'y avait pas de spectacle de danse complet. Alors, pourquoi la Russie? Eh ben, c'est parce que l'école russe s'est maintenue à un niveau très fort, pendant que l'école française déclinait, et que au moment où Diaghilev a souhaité montrer la Russie, amener la culture russe à la France, on est évidemment dans un univers diplomatique que l'on sait, les accords franco-russes et toutes ces choses. Il faut pas perdre de vue cet arrière-plan diplomatique quand on considère la grande épopée des ballets russes à Paris et la destinée de Diaghilev. L'idée de Diaghilev, c'est de montrer d'abord l'opéra russe. La danse ne viendra qu'ensuite, une fois qu'il n'aura pas réussi à collecter les fonds nécessaires pour produire de l'opéra, et qu'il se dira, finalement, à défaut d'opéra, je vais montrer la danse. Et c'est un certain nombre de personnalités autour de lui, notamment Alexandre Benoît, qui est décorateur, mais qui aussi s'intéresse à la danse, qui lui dira « Serge, il faut montrer le ballet russe à Paris, parce que la Russie a cette particularité, cette excellence qu'elle peut montrer à Paris. » Il y a donc la Russie qui a été donc essentielle dans l'éclosion de cette danse contemporaine, cette danse moderne du XXe siècle. Mais il y avait déjà eu quelques prémices auparavant avec les Américaines, Isadora Duncan et Loy Fuller. Tout à fait, il se passe quelque chose dans le domaine de la danse à la fin du XIXe au début du XXe siècle. Avec Loy Fuller d'abord, qui se dansait produit sur avec des... ses grands voiles voilà, comme ça, c'est assez extraordinaire. Avec une source lumineuse, et en fait elle proposait plus... une sorte de version plastique de la danse que véritablement de la danse. Et d'ailleurs, elle se produisait sur des petites scènes, entre guillemets, notamment les Folies Bergères. Oui. Et Isadora, là, c'est vraiment une très grande pionnière de la danse contemporaine, les pieds nus, enfin bref, c'est elle qui apporte tout un... Anticonformiste. Tout à fait. Et d'ailleurs, Isadora Duncan a beaucoup influencé Mikhaïl Fokine, qui l'a rencontré en Russie et qui a puisé auprès d'Isadora un certain nombre d'éléments. Et Nijinsky aussi. Donc effectivement... Avant les ballets russes, il y avait Isadora. Et Nijinsky, comment est-il devenu danseur ? Au début, c'est un élève presque comme un autre de l'école du Marinsky, donc de l'école du théâtre de Saint-Pétersbourg. Futur Kirov. Futur, voilà. Alors, c'est un très bon danseur, mais je ne pense pas que quand on le voyait en 1905-1906, on se disait ce garçon va... Sera le dieu de la danse. Sera le dieu de la danse. Il y a quelque chose qu'il a révélé qui s'est passé à Paris... parce que c'était les ballets russes, parce que c'était lui, parce qu'il a rencontré un certain nombre de personnalités qui ont fait de lui le danseur mythique, le danseur par excellence, celui que l'on connaît même quand on ne connaît pas la danse. Mathias Auclair, je propose que nous nous retrouvions tout à l'heure pour en parler dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Nijinsky, le dieu de la danse, un texte de l'écrivain Didier Blonde, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Aussire. Pas un acrobate de la danse. Tout le monde s'extasie sur mes prouesses parce que je suis le seul capable de battre l'entrechat 10, d'enchaîner parfaitement 32 fouettés et de réaliser sans effort le triple tour en l'air. Mais je ne suis pas seulement un corps, je suis aussi un esprit et une âme. Si je saute si haut, c'est pour dépasser les limites humaines et m'approcher de l'infini. Je sens en moi une soif d'absolu. Peut-être, un jour, parviendrai-je à atteindre cet idéal qui m'aspire. Maintenant que je vais quitter l'école impériale, je remercie mes maîtres qui m'ont tout appris. Ma mère, qui m'aime et s'est sacrifiée pour moi. Notre petit père, le tsar, qui m'a protégé. Et toi, mon Dieu, qui m'a accordé ta bénédiction. Soutiens-moi toujours. Je veux être la gloire de la danse. Et ton fidèle serviteur. En 1907, après 8 années passées à l'école impériale de ballet de Saint-Pétersbourg, Vaslav Nijinsky, âgé de 17 ans, s'apprête à commencer sa carrière de danseur dans la troupe du théâtre Marinsky. Il a reçu la meilleure formation au monde dans la discipline la plus stricte. Malgré ses jambes massives, son air boudeur et ses traits mongols, il a été reconnu comme le meilleur parmi ses condisciples. Depuis le milieu du XIXe siècle, la réputation de l'école russe s'étend à toute l'Europe, grâce notamment à la présence du chorégraphe français Marius Petipas. On apprend à danser ses ballets, vite devenus des classiques, comme La Belle au bois dormant ou Le lac des cygnes. Mais un jeune chorégraphe, Mikhaïl Fokine, qui est un adepte des nouvelles idées révolutionnaires, veut rompre avec cette forme d'académisme et renouveler la danse. Il a remarqué Nijinsky, qui l'a fait venir au studio du Marinsky. Vous avez terminé vos échauffements, Vaslav ? Voilà, je suis prêt. Vous danserez dans le pavillon d'Armide que je viens de composer sur la musique de Tcherepnine. C'est une petite féerie en un seul acte, l'histoire d'une tapisserie enchantée dont les personnages s'animent. Je ne veux plus des grandes machines interminables et toutes faites où l'on répète les mêmes pas depuis des années. Si nos maîtres vous entendaient... Je les respecte, mais nous ne sommes pas un musée. Alors voilà, la scène est celle d'un pavillon au XVIIIe siècle. Vous verrez les décors et les costumes d'Alexandre Benois auxquels j'attache la plus grande importance. Le ballet doit être un art total où la musique, la danse et la peinture sont en parfaite harmonie. Rien ne doit être gratuit pour le seul plaisir du spectateur. Quel est mon rôle ? Vous jouerez l'esclave favori d'Armide, la magicienne, qui sera dansée par Anna Pavlova. La Pavlova ? Notre plus grande danseuse, la plus poétique. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Dans Gisèle, elle est incomparable. En plus du pas de Troie, j'ai écrit un solo, pour vous. Vous me faites confiance ? Je vous connais, Vaslav. Je vous ai vu. Ce n'est pas seulement pour votre virtuosité que je vous ai choisi, mais d'abord pour vos qualités d'interprétation. Vous êtes capable, comme aucun autre, d'entrer dans la peau d'un personnage et de le faire vivre. Le maquillage et le costume y sont pour beaucoup. Vous aurez de l'or, de l'argent, de la soie et un turban orné de plumes d'autruche. Mais nous verrons cela plus tard. Commençons. Ici, mettez-vous derrière moi, je vous montre. Vous me suivez ? 32 mesures ? Nous débutons par un saut sur place, jambes unies et pieds joints. Ce sera pour les connaisseurs. Vous êtes le seul à pouvoir faire ça. On enchaîne. Et 1, et 2, et 3, et 4. Grand jeté en attitude sur la diagonale. En arrière. Préparation demi-pointe. Entre chassette. On bascule. Et 1, et 2, et 3, et 4. Grand échappé. Changement de pied. Arabesque. Entre chadis. Pirouette, encore, et triple tour en l'air. On reprend. Avec le pavillon d'Armide, Nijinsky remporte son premier succès public. Et après son engagement au théâtre Mariinsky, une existence nouvelle commence pour lui. Le soir, à l'issue du spectacle, il se met à fréquenter les cabarets de luxe où se retrouvent les prima ballerina assoluta et leurs admirateurs de l'aristocratie. C'est dans le plus réputé d'entre eux, le Kubat, qu'a lieu la rencontre qui va décider de sa vie. Une coupe de champagne, Vaslav Fomitch. Merci, mais je ne bois pas. Allons, pour une fois, être sérieux. Je me présente. Sergueï Pavlovitch Diaghilev. Tout le monde vous connaît à Saint-Pétersbourg, Sergueï Pavlovitch. Mais vous aussi, Vaslav. On ne parle que de vous. Depuis votre solo dans le rôle de l'esclave d'Armide, aux côtés de la Pavlova. Ce sont de beaux débuts sur scène. Si jeune, moi non. Vous étiez dans la salle ? Je suis partout où il faut être. C'est bon, si prodigieux. Comment faites-vous ? Vous défiez toutes les lois de l'équilibre et de la pesanteur. Ouais, c'est tout simple. Il suffit de s'arrêter un instant en l'air et de prendre son temps pour redescendre. Non, je n'ai pas de mérite. Un don, peut-être ? Allons donc. Un don. Mais vous les possédez tous. Vous avez la candeur d'un enfant, la douceur d'une femme, la vigueur d'un homme, la souplesse d'un animal. Et par-dessus tout cela, vous avez la grâce. Que reste-t-il aux autres ? C'est beaucoup de travail, surtout. J'ai des projets. Des projets pour vous. Vous savez que depuis 2 ans, je présente à Paris nos chanteurs et nos musiciens. Les meilleurs. La saison prochaine, je veux y emmener nos danseurs. J'aurai la collaboration de nos plus grands artistes. Stravinsky, Roerich, Benoît, Bakst, Golovin, Czesinska, Kasavina, Fokine, bien sûr. Et vous, naturellement, Vaslav. Vous avez pensé à moi ? J'ai besoin de vous. Nous allons conquérir Paris et l'Europe ensemble. Avec le pavillon d'Armide ? Fokine vous écrira d'autres scènes, d'autres pièces. C'est le plus talentueux de nos jeunes chorégraphes, vous le savez bien. Il a compris que les choses devaient changer. Il est en train de dépoussiérer notre vieux ballet. Et mon contrat au Mariinsky ? Je m'occupe de tout. Vous danserez ici l'hiver. Et vous viendrez avec moi, à Paris, au printemps. Je vous veux, Vaslav. Nous trinquons, cette fois. Félicitations à votre entrée au ballet russe. Mmh. Vous portez une belle bague. Laissez-moi voir. C'est un porte-bonheur. Elle m'a été donnée par Gillette, un patriote polonais, un de nos vieux danseurs. Vous aimez les bijoux. Vous en aurez d'autres. Beaucoup d'autres. Toutes ces fleurs qu'il m'a fait envoyer, ces cadeaux, c'est un prince, un grand seigneur, ou un démon. Toujours le monocle à l'œil, le regard magnétique qui vous hypnotise, sa canne à pomme d'or. Et il a versé 60 000 roubles sur mon compte. Je vais enfin pouvoir aider ma mère. Est-ce avec lui que mon avenir se joue? Ou à Marinsky? Il tient beaucoup à moi. Beaucoup. Il me le montre. Je connais sa réputation. Il aime les garçons, mais se moque de ce qu'on en dit. Est-ce que je fais bien de le suivre? Comment lui résister? Tout le monde lui obéit. Une force irrésistible m'attire. Je sens que c'est vers lui que mon destin me conduit. Diaghilev est un génie à sa manière. Il connaît tous les arts sans en pratiquer aucun. Il a 20 ans de plus que Nijinsky. C'est un snob qui porte des chemises de chez Charvet, une perle noire à sa cravate, des pelisses fourrées et affiche son homosexualité. Sa mèche blanche sur ses cheveux très noirs l'a fait surnommer Chinchilla. Promoteur de l'avant-garde, c'est un charmeur sans scrupules qui impose à tous ses goûts infaillibles et sa personnalité dominatrice. Son œuvre, ce sont ses ballets russes, dont Nijinsky doit être la vedette. Les deux hommes éprouvent d'emblée une fascination réciproque. Ils deviennent amants. Et ils ont des intérêts communs. Paris donne le ton. Pour la saison 1911, au Théâtre du Châtelet, Fokine doit présenter deux nouvelles créations, Petrouchka et le spectre de la rose. Nijinsky aura comme partenaire Tamara Karsavina, une belle jeune femme brune, intelligente et vive, de 5 ans son aînée, déjà célèbre au Mariinsky. Les répétitions ont commencé à Monte-Carlo. Non. Ce n'est pas un ballet, Mikhail Mikhailovitch. Je n'ai rien à danser. Faites-moi bouger ou bien je rends mon rôle. Donnez-moi la main, Tamara Platonovna. Venez par ici. Remettez-vous dans ce fauteuil, là. Vous avez raison, ce n'est pas un ballet. C'est un poème. Quelques minutes seulement, pour un pas de deux. Un pas de deux? Vous voulez dire un solo? Pour Vaslav, une fois de plus, on verra que lui. Mais je ne suis pas sans faire valoir. Tamara, nous ne sommes rien l'un sans l'autre. Nous formons un couple, un beau couple. En parfaite communion. Je n'ai pas été nommée prima ballerina au Mariinsky pour rester sur scène assise dans un fauteuil à dormir. Mais vous ne dormez pas, vous rêvez. La jeune fille a les yeux fermés, elle cherche, elle appelle la vision qu'elle a eue au bal. Pas de virtuosité, tout est dans l'expression, le visage qui s'illumine, le corps qui frémit. Et vos bras, Tamara, votre port de bras, il n'y a que vous pour avoir cette grâce. Vos bras doivent chanter, ils vivent, ils parlent. Pleins de grâce aérienne, ils sont à l'unisson avec ceux de Vaslav. Oubliez tout ce que vous avez appris, Tamara. Nous ne sommes pas au Mariinsky. Il faut tout inventer. Et Bakst a dessiné un décor simple, tout en blanc, comme votre robe resplendissante. Vous serez admirable. Allez, on reprend. Le 6 juin 1911, au Théâtre du Châtelet, le spectre de la rose est bissé, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du ballet. Car Savina et Nijinsky sont idolâtrés par le public parisien qui les identifie à leurs personnages. Le rôle du spectre fait entrer Nijinsky dans la légende comme danseur. Mais il ne veut pas s'en tenir à un rôle d'exécutant. Je veux créer à mon tour. Fokine ne va pas assez loin. Il me bride quand je lui fais des propositions. Et pourtant, Petrouchka m'appartient autant qu'à lui. Sans moi, que serait ce personnage de pantin auquel j'ai donné toute mon âme et qui me ressemble tellement? La danse doit s'affranchir davantage de la musique, devenir indépendante. Les gestes et les attitudes doivent être plus naturels, se libérer de toutes les conventions. Je sens mille idées fourmiller en moi. Encouragé par Diaghilev, qui demande toujours du nouveau et dont le maître mot est « étonnez-moi », Nijinsky peut enfin se mettre à réaliser ses propres chorégraphies. Fokine comprend qu'il n'a plus la première place au ballet russe. Il démissionne et retourne au Mariinsky. Le 29 mai 1912, Nijinsky présente sa première création au Théâtre du Châtelet, l'après-midi d'un faune, sur une musique de Debussy avec des décors et des costumes de Léon Bakst. S'inspirant de bas-reliefs égyptiens vus au Louvre, il présente ses personnages de profil et supprime toute profondeur spatiale. Le spectacle, jugé indécent, provoque des réactions indignées. Diaghilev est reçu par Gabriel Astruc, surnommé Astruc le Magnifique, à cause de son élégance tapageuse et ses goûts fastueux. Il est l'impresario des ballets russes à Paris. Non, vraiment, Sergueï Pavlovitch, c'est de la provocation. Il exagère, un vrai scandale. Je m'en réjouis, cher ami. C'est exactement ce que j'attendais. Calmette, dans son éditorial du Figaro, accuse votre protégé d'obscénité. On parle d'une interdiction par le ministère. Cela n'arrange pas mes affaires. Au contraire, quelle belle publicité. Écoutez ça. Nous avons vu un faune inconvenant, avec de vils mouvements de bestialité érotique. Hideux de face, encore plus hideux de profil. Et vous ne m'avez pas dit qu'il n'en est pas à son premier coup. Il paraît qu'il a été renvoyé du Mariinsky pour avoir dansé Albert sans le caleçon destiné à masquer son entrejambe. Et devant le tsar encore. Eh bien, le voilà libre maintenant. Nous l'avons tout pour nous. Calmette n'y connaît rien. Regardez plutôt ce qu'Auguste Rodin écrit dans Le Matin. L'intelligence de l'art de Nijinsky est si riche, si variée, qu'elle touche au génie. Rodin, vous entendez ça? Et il veut dessiner mon faune, le sculpter dans le marbre. Nijinsky est en avance sur son temps. Il heurte tes préjugés, mais ils y viendront tous, croyez-moi. Vous me ruinez, Sergueï Pavlovitch. Si vous ne pouvez pas suivre, l'opéra est prêt à m'ouvrir ses portes. On raconte partout que c'est vous qui avez inventé le ballet russe. C'est l'aspect, cher ami. 25 000 francs par représentation, c'est une folie. Je sais que vous pouvez compter sur vos généreux et aristocratiques mécènes, le baron de Rothschild, la comtesse Greffule, la princesse de Polignac. Ce sont des amis. Il se trouve qu'ils sont fortunés. Mais ils n'apprécient pas la mauvaise publicité. Écoutez encore, Rodin. C'est à vous qu'ils s'adressent. Je voudrais qu'à côté de ces représentations de gala, le théâtre du Châtelet en organisa d'autres où tous les artistes pourraient venir communier dans le spectacle de la beauté. Organisez, organisez donc, cher ami. Justement, parlons de la saison prochaine, voulez-vous ? Et un an plus tard, au printemps 1913, Astruc le Magnifique, qui n'est pas à une folie près, a fait construire avenue Montaigne le théâtre des Champs-Élysées pour y accueillir les Russes. C'est grandiose et nouveau, ce qu'on appelle le style art déco. Nijinsky y présente deux nouvelles créations. Jeu, un pas de Troie sur la musique de Debussy, et le premier ballet à utiliser des costumes modernes, ceux de joueurs de tennis. Jugé trop abstrait et épuré, le spectacle est accueilli dans l'indifférence. Mais le 29 mai, c'est le sacre du printemps, sur une musique et un livret de Stravinsky qui déclenche une nouvelle bataille d'Hernani. Le public mondain se déchaîne contre cette chorégraphie où les danseurs en blouse de paysans frappent frénétiquement le sol, les pieds en dedans, et cette musique dont tout le système rythmique et harmonique traditionnel est bouleversé. Les insultes fusent, des coups sont échangés entre partisans et détracteurs, le tumulte couvre la musique. En coulisses, Nijinsky est obligé de crier les temps à ses danseurs. Personne n'entend plus rien. Après ce nouveau scandale, l'œuvre sera vite retirée de l'affiche. Ça y est, ça recommence, Sergueï Pavlovitch. Cette fois, vous allez me mettre en faillite. Toujours mercantile, cher ami. La révolution coûte cher, et c'en est une. Parlez-moi plutôt d'art. Vous connaissez la plaisanterie qui circule. Ils appellent ça le massacre du printemps. Nijinsky et Stravinsky sont deux génies. Vous avez permis de les réunir dans votre magnifique théâtre. Ils m'ont ridiculisé. Parce que c'est moi qu'on rend responsable de tout ça. Et c'est à moi qu'on s'en prend. Vous les avez entendus. Dors le juif à ce truc. Mes amis vont me lâcher. Votre réussite suscite des jalousies. Je connais ça. Vos vrais amis s'appellent Maurice Ravel, Marcel Proust ou Jean Cocteau. Ils nous soutiennent, ils sont jeunes et enthousiastes. Ce sont eux qu'il faut écouter. Je meurs si on ne m'aime pas. Tous ces mois de travail, plus de 100 répétitions. Pour rien. qu'ils veulent de la grâce et de la beauté toute faite, voir ce qu'ils connaissent déjà, admirer la performance. Un danseur n'est pas un athlète de cirque. Ce qui compte, c'est le sentiment. Je sculpte le corps comme on ne l'a jamais vu, pour le faire parler, lui arracher tout ce qu'il peut dire, le briser si c'est nécessaire, pour atteindre la vérité, l'émotion pure. Je suis triste, mais pas découragé. Je sais qu'un jour, mes créations seront reconnues et appréciées. Je suis triste pour mes danseurs. Eux, ils ont fini par comprendre ce que je leur demandais. Ils y ont mis tout leur cœur. Tamara est la plus belle. Tamara ? Vaslav ? Vous allez partir ? Oui, on m'attend au Marinsky. Je suis venu vous offrir des fleurs, hier. Un bouquet de roses blanches. Mais Sergei Pavlovitch m'a surpris. Il s'est mis en colère, me l'a arraché des mains, l'a piétiné. Nous nous sommes disputés, une fois de plus. Il est jaloux. Jaloux de moi ? Je ne supporte plus d'être soumis à ses caprices. Il m'emprisonne, me brutalise. Il m'a frappé avec sa canne. Mais il fait tellement pour vous. Je suis son attraction. C'est avec vous que je veux être. Nous formons un beau couple, tout le monde le dit. Sur la scène, oui. Vous êtes belle, vous êtes honnête, vous êtes la femme que j'aimerais avoir. Mais, Vaslav, je suis mariée. Alors ? C'est trop tard. Vous êtes mariée avec la danse, Vaslav. Elle occupe toute la place. C'est votre vie. Mais sans qu'il s'en doute, une autre femme est déjà entrée dans la vie de Nijinsky. La jeune Romola de Poulski appartient par son père à l'aristocratie hongroise et sa mère, Emilia Marcus, est la plus célèbre tragédienne de Hongrie. Elle se destine au théâtre. C'est au cours d'une tournée chez elle à Budapest qu'elle a découvert Nijinsky. Je me souviendrai toujours du 5 mars 1912. C'est de l'artiste que je suis tombée amoureuse ce soir-là. Il dansait Harlequin. Un choc électrique m'a saisie à son apparition. Je savais que j'étais en présence de l'âme même de la danse. À partir de ce moment, j'ai décidé d'arrêter le théâtre pour devenir danseuse. J'ai assisté à toutes les représentations avec un seul désir. Faire partie de cette compagnie et conquérir son étoile. Parvenant à déjouer la méfiance de Diaghilev qui surveille étroitement son amant, Romola réussit à se faire accepter comme élève et à suivre la troupe dans ses déplacements. Elle multiplie les tentatives d'approche auprès de Nijinsky, mais celui-ci reste apparemment indifférent à son égard. Une occasion se présente lorsqu'en août 1913, les ballets russes embarquent pour une tournée en Amérique du Sud. Diaghilev, qui a une crainte superstitieuse de la mer depuis qu'on lui a prédit qu'il périrait sur l'eau, reste en Europe. Romola est décidée à profiter de la traversée pour tenter sa chance auprès de son idole. Chaque matin, je l'observe de loin sur le pont pratiquer ses exercices. Il est toujours vêtu de blanc. On nous a présenté plusieurs fois. Je crois qu'il m'a souri. Mais depuis, il ne semble même pas me reconnaître. On dit qu'il ne s'intéresse pas aux femmes, qu'il est froid et n'a pas de cœur. Je sens que ce n'est pas vrai. Je l'arracherai à Diaghilev. Je serai sa femme. Chaque soir, je le mets dans mes prières au petit Jésus de Prague qui ne m'a jamais abandonnée. Ô divin enfant Jésus, j'ai recours à vous, je vous en prie, par votre sainte mère, assistez-moi. Les jours passent, on approche du terme de la traversée, ils ont à peine échangé quelques mots quand le miracle qu'attend Romola se produit. Vaslav Fomitch Nijinsky fait transmettre par lettre à mademoiselle Romola de Poulski une demande en mariage. La bague de fiançailles est achetée à l'escale de Rio et le mariage, célébré dès leur arrivée à Buenos Aires, le 10 septembre 1913, dans la grande église San Miguel. Ai-je bien fait de me marier ? Je me suis décidé sur un coup de tête. Nous nous connaissons à peine. Je ne sais pas faire la cour à une femme. Romola est belle. Elle est intelligente et je sens qu'elle m'aime. Moi aussi, je l'aime. Et le véritable amour n'existe que dans le mariage béni par Dieu. Mais tout nous sépare. Nous ne sommes pas du même milieu, elle a des goûts de luxe. Nous n'avons pas la même culture. Elle croit que les Russes sont des barbares. Elle ne parle pas ma langue, je ne parle pas la sienne. Nous n'avons pour nous comprendre qu'un mauvais français, mais je me sens libre, enfin, et heureux. Et nous aurons un enfant. Je lui apprendrai la danse. Ma danse. Dès qu'il apprend la nouvelle, Diaghilev, furieux, télégraphie à Nijinsky que son contrat est rompu, qu'il n'appartient plus désormais au ballet russe. Quelle humiliation ! Il m'a trahi ! Et avec cette petite intrigante ! Sournoise ! Je saurais me venger. Je ruinerai sa réputation. Partout où il passera, sans répit, je le détruirai. Cette rupture fragilise Nijinsky, qui essaye difficilement de former sa propre troupe. Il confie à Romola toutes les tâches pratiques qu'il n'a jamais su assumer. À cette épreuve s'ajoute bientôt celle de la guerre. Le couple est alors à Budapest, chez la mère de Romola, avec la petite Kira qui vient de naître. Sujets russes, ils sont assignés à résidence, coupés du reste du monde. Ils sont finalement libérés grâce à l'intervention des Américains qui les accueillent sur leur territoire, où Nijinsky connaît encore une fois le succès. En 1918, après une tournée en Amérique du Sud, la petite famille vient s'installer en Suisse dans un grand chalet, la villa Guardamount, qui domine le village de Saint-Moritz. Ici, nous serons bien. J'aime ce paysage, ces montagnes, cette lumière sur la neige. Il me rappelle la Russie. Tu pourras travailler tranquillement. J'ai une foule de projets. Il faut que je finisse de mettre au point mon système de notation pour transcrire mes ballets. Je veux aussi fonder une école de danse et composer de nouvelles pièces. Pour toi ? Pour moi ? Mais va de ça, il y a si longtemps que je n'ai pas dansé. Je t'apprendrai, tu verras. Et surtout, je veux faire du ski, du skeleton et de la luge avec Kira. Oui, tata Gabon, de la luge. Je veux faire de la luge, tu peux m'apprendre moi aussi. Nijinsky semble heureux, mais très vite, Romola s'inquiète. Il passe des heures à s'enfermer pour écrire dans des cahiers qu'il tient secrets, s'exerce jusqu'à l'épuisement sur le balcon de la villa, s'absente inexplicablement dans de longs silences. Son comportement est devenu imprévisible. Dushka, Romushka, mes chéris, je ne vous veux pas de mal. Pardonnez-moi. Je vous aime. Nijinsky devient agressif. Un soir, il brandit un revolver et se met à hurler dans toute la maison. Je me tuerai ! Si gueule vole, je me tuerai ! Le médecin de Saint-Moritz prescrit des calmants, mais les crises reprennent et les disputes deviennent de plus en plus violentes dans le couple. Je ne veux plus danser. Qu'est-ce que tu dis, Vaslav ? Tu ne parles pas sérieusement ? Et tes projets ? Comment peux-tu renoncer à la danse ? C'est toute ta vie ? Je vais retourner en Russie. C'est mon pays. Je veux vivre à la ferme avec les paysans de Russie. Oh, quelle est cette nouvelle lubie ? Toi, tu es hongroise. Tu es une aristocrate. Tu ne peux pas comprendre. Mais ta mère est polonaise et elle était danseuse, comme ton père et ta sœur. Vaslav, si tu t'en vas, tu t'en iras seule. Je ne suis pas une paysanne, moi. Je veux aider les pauvres. Je veux leur donner de l'argent. C'est pour ça que tu te négliges ? Toi qui étais si raffiné, si élégant. Je ne danserai pas pour les gens riches, ils ne me comprennent pas. Vaslav, je te préviens. Si tu abandonnes la danse, si tu pars, je t'aime, mais je divorcerai. Tiens, voilà ma bague. Famka, ne fais pas ça. Regarde comme je suis fort, j'ai les poings durs, je suis un géant! Vaslav, tes yeux, pourquoi me regardes-tu comme ça? Lâche-moi! Tu me fais mal! Arrête! Arrête, Vaslav! Rougik! Oui, tu te comportes comme un Rougik! Ces manigances. Il veut voir ce que j'écris pour analyser mon cerveau et me mettre en prison. Je ne lui montrerai pas mes cahiers. Je les cache derrière l'armoire. Je les porte sur moi. Je vais les publier à Paris et on saura que je dis la vérité. C'est Dieu qui me commande. Romola est désemparée. Un jour, elle le surprend en train de prêcher dans les rues de Saint-Moritz. Une grande croix sur la poitrine, il exhorte les gens à aller à l'église se confesser. Une autre fois, dans un brusque revirement, il lui annonce qu'il veut danser à nouveau à l'occasion d'une fête de bienfaisance qui va avoir lieu dans le village. Tu veux danser ? Tu es sûre ? C'est bien, Vaslav. Je suis contente. J'ai décidé que j'allais donner un spectacle pour nos amis. Tu t'en sens capable ? Tu as préparé quelque chose ? Tu verras. Ne pose pas de questions. J'improviserai. Et où veux-tu donner ce spectacle ? Il n'y a pas de théâtre ici. À l'hôtel Suvretta, dans la grande salle. Tout le monde pourra venir. Je ne veux pas qu'on paie pour me voir. Ce jour-là sera celui de mon mariage avec Dieu. Romola ne sait pas si elle doit se réjouir de cette nouvelle initiative. Une pianiste, amie de la famille, accompagnera le récital. Mais Nijinsky refuse toujours d'en dire plus sur ses intentions. Le 19 janvier 1919, à 17h, 200 personnes sont installées dans le grand salon de l'hôtel Suvretta. On a enlevé les meubles, disposé des chaises le long des murs et un piano dans un coin. Parmi les invités se sont glissés des gens du village, les clients de l'hôtel, des touristes. Certains ayant appris la nouvelle sont venus de loin pour assister à ce récital exceptionnel. Nijinsky ne s'est pas produit sur scène depuis un an et demi. Romola est assise au premier rang. Nijinsky porte une tunique de soie blanche et noire. Il échange quelques mots avec la pianiste, puis vient se placer au centre de la salle. Il reste immobile, le regard hypnotique. Je vais vous montrer comment vivent les artistes, comment ils souffrent quand ils créent. Le pianiste a commencé de jouer un prélude de Chopin. Nijinsky s'anime, d'une manière saccadée. À chaque accord, il prend une attitude différente. Se fige, change de position, se fige à nouveau, paumes en avant, bras le long du corps, étendu en croix, replié, ou élevé en geste de prière. Il esquisse quelques sauts. Très vite, il s'arrête, pose ses mains sur son cœur. Le petit cheval est bien fatigué. Il reste à nouveau silencieux, immobile. Personne n'ose bouger. Il fait un signe à la pianiste. Vaslav a l'œil noir. Romola est inquiète. Elle se lève à demi, hésite, se rassied. Son visage se révulse. Mon Dieu. Ce que je redoutais est en train de se produire. Et maintenant, c'est la guerre ! Vaslav. Il est trop tard pour l'arrêter. Vaslav, va de ça, je t'en prie. Nijinsky se recroqueville. Son corps tremble. Il traverse la salle à grandes enjambées, se baisse comme pour échapper à des projectiles, à droite, à gauche, rampe sur le sol, se redresse, brandit un bras. Il danse, danse. Je ne l'ai jamais vu danser comme ça. Il tourbillonne dans l'espace comme un fauve. Ses yeux sont exorbités d'épouvante. Il a des convulsions, frappe du pied. Il me fait peur. On dirait qu'il veut tous nous tuer. Il tombe, se relève, se désarticule, déchire sa tunique, étouffe, se casse en deux, s'abat comme un cadavre, tressaute. C'est fini. Le public du Suvretta, terrorisé, vient d'assister au dernier spectacle de celui qui, dans le monde entier, incarnait le génie de la danse. Quelques jours plus tard, Romola emmène son mari à Zurich consulter un psychiatre qui va diagnostiquer une confusion mentale de nature schizophrénique. Il est incurable. Son état ne peut que s'aggraver. Après de nouvelles crises, Nijinsky est interné au sanatorium Bellevue à Kreuzlingen. Il vient d'avoir 29 ans. Famka, Tu m'as apporté mon arrêt de mort. J'ai dit adieu à Kira. Je ne la reverrai plus. Tu as pleuré et tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas. On veut que je sois fou. Ce n'est pas vrai. Vous ne me comprenez pas. Je vous ai fait croire que j'étais fou. Vous voulez m'enfermer. Mais je n'ai pas peur. On me comprendra plus tard. Je suis un homme de bonne volonté. Ma folie, c'est d'aimer les hommes. Je ne mourrai pas. Dieu est en moi et je suis en lui. Je danserai toujours dans le cœur des hommes. Nijinsky, le dieu de la danse de Didier Blonde avec Václav Nijinsky, Christophe Montenez de la Comédie Française, Tamara Karsavina, Masha Kuznetsova, Romola Depoulski, Alice Lestrade, Mikhail Fokin, Jean-Baptiste Artigas, Sergei Diaghilev, Alexandre Pavlov de la Comédie Française, Gabriel Astruc, Régis Ivanov, Kira Anouk Osir, Bruitage Sophie Bissens, Enregistrement, montage et mixage Bruno Mourland et Antoine Vieussat, Assistante à la réalisation Sophie Pierre, Réalisation Cédric Osir. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur Nijinsky avec mon invité Mathias Auclair. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe les toits, les trottoirs et les bois, et là dans la personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux. Cet éclat vénéneux, des perdants silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le cas orageux. Cet éclair dangereux. Héros silencieux. Vois dans l'or du soir qui plonge nos ombres se rallongent. Les anges se morfondent. Nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre, griffes sur le pavé, les cœurs givrés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perdants silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux. Cet éclair dangereux, des héros silencieux, au fond de l'étincelle. L'étincelle, Étienne Dao sur France Inter, Autant d'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Stéphane Boja. Mathias Auclair, nous avons donc quitté Václav Nijinsky en janvier 1919, juste après cette soirée terrible où il dansa pour la dernière fois en public. Il venait d'avoir 29 ans, il ne dansera plus jamais. Non, il a essayé, d'ailleurs il y a quelques images où on le montre essayant de refaire ce qu'il avait fait des années auparavant, notamment devant Serge Liffard, puisqu'évidemment les danseurs qui n'avaient pas vu Nijinsky danser, ou du moins qui l'avaient vu danser mais qui avaient un peu oublié, ont eu envie que Nijinsky refasse ce qu'il avait fait naguère, et c'était impossible. Oui, parce qu'il va vivre encore de nombreuses années, il mourra en 1950. Oui, il passe une bonne partie de sa vie dans cet état terrible de folie, pendant lequel il a laissé tout de même des œuvres très étranges, que sont ses dessins dits de folie. Il y en a quelques-uns dans les collections de la Bibliothèque nationale, c'est vrai que ce sont des dessins... qui interroge vraiment sur l'état psychique de la personne qui les fait. Et puis, il a rédigé ses carnets, où on voit son état se déliter. Il y a aussi un des carnets qui est conservé à la Bibliothèque nationale, et où on voit, il écrit à longueur de ligne, « Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme ». Enfin, il y a comme une manifestation terrible de l'état dans lequel il est. Oui, c'est un texte très beau quand même. Il y a des passages qui sont assez poétiques, déchirants, avec évidemment des moments un petit peu de délire, c'est indéniablement. La version complète a été éditée récemment. Alors, avant de revenir sur la carrière exceptionnelle de danseur et de chorégraphe de Nijinsky, je vous propose d'écouter Jean Cocteau, qui était un ami très proche de Diaghilev et des ballets russes. Il parle ici de Nijinsky. Comme la beauté, Nijinsky est un drame. Un drame et une énigme. Ce jeune homme d'allure ingrate et bourrue, car il vivait enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, tout lui était danse. L'immobilité comme le saut, et le geste, et le regard, et la manière de tourner la tête de gauche à droite, et de droite à gauche. Je l'ai vu vaincre les lois de l'équilibre, s'envoler en ligne droite par la fenêtre du spectre de la rose. Je l'ai vu mourir sous la neige de Petrouchka et nous faire pleurer par un geste. Je l'ai vu saluer d'une sorte de charmant salut militaire, dans une tempête d'applaudissements et devant des salles debout qui refusaient de se rasseoir. C'est étonnant, le succès, l'espèce de fascination que suscitait Nijinsky sur le public. Oui, il y a beaucoup de témoignages justement de cette fascination où chacun essaye d'identifier pourquoi Nijinsky est si exceptionnel. Comment vous l'expliqueriez-vous, Mathias Auclair ? En tout cas, je me souviens avoir lu un témoignage de Pierre Brasseur dans ses mémoires où il insistait sur la dimension d'animalité de Nijinsky. Et je pense qu'il y avait effectivement cette confrontation entre la grâce dont parle Cocteau et l'animalité dont parle Brasseur, c'est-à-dire un peu le feu et la glace, cette espèce de capacité de Nijinsky à être tout et le contraire de tout par la danse. C'est peut-être aussi une autre manière, une nouvelle manière de vivre la danse, c'est-à-dire il n'y a plus ce côté élévation de l'âme, il y a quelque chose de beaucoup plus physique, de beaucoup plus terrien dans la danse. Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'un des chorégraphes qui a finalement permis à Nijinsky de s'exprimer, c'est Fokin, et que Fokin a eu un rôle essentiel dans le fait de promouvoir la danse masculine, parce qu'en fait, pendant tout le 19e siècle, en tout cas depuis la période romantique et la sylphide et Taglioni, il y avait eu cette révolution qui faisait que la ballerine était au centre des attentions, et c'était la ballerine qui incarnait tous ces états de l'âme et qui incarnait cette dimension éthérée. À partir figure de Nijinsky, le danseur masculin redevient l'attraction. Et, oui, jusqu'alors, il sert à porter la ballerine, finalement. Exactement, c'est un faire-valoir. Tamara Karsavina, qui était la partenaire de Nijinsky, disait qu'avant de connaître Diaghilev, il s'était efforcé de se conformer au type traditionnel du danseur, jusqu'au jour où Diaghilev, le magicien, disait-elle, le toucha de sa baguette magique. Son masque d'adolescent simple et peu attirant tomba tout d'un coup, révélant une créature exotique, féline, un elfe, qui narguait les conventions artificielles et la raideur des préjugés. Il y a certainement une dimension artistique, mais il y a peut-être aussi une dimension sexuelle là-dedans. Oui, bien sûr, la dimension sexuelle est présente, mais dans le ballet classique, les rôles masculins, ce sont des rôles de princes, donc des rôles de très beaux jeunes gens, très grands, ce que n'était pas Nijinsky. Donc il est certain que quand Diaghilev lui propose ensuite des rôles plus exotiques à destination d'un public parisien, dans le but de plaire à ce public parisien, parce que, en fait, ce qu'on nommait parfois de dire, c'est que Diaghilev, certes, il apporte une modernité, mais il apporte une modernité acceptable. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que la modernité des ballets russes marche. Il propose un exotisme tout à fait bien reçu par la bourgeoisie. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une autre dimension, c'est qu'effectivement, comme on le disait un peu tout à l'heure, c'est Diaghilev qui porte Nijinsky, qui lui donne des spectacles pour lui, qui finalement organise en partie une compagnie autour de lui et qui en fait un immense danseur, une vedette, une star de la danse, puis un chorégraphe. Mais Diaghilev aussi va prendre des risques avec l'après-midi d'un faune, la première création de Nijinsky comme chorégraphe. En quoi cette œuvre est-elle révolutionnaire ? L'après-midi d'un faune est révolutionnaire en cela qu'elle prend le contre-pied de tout ce que l'on pouvait proposer en matière de danse. C'est-à-dire que le but n'est plus tellement de proposer un ballet en tant que tel, mais d'abord une espèce de frise, une composition plastique, servie par la danse, où finalement tous les éléments concourent à un résultat inouï, extraordinaire et nouveau. En quoi l'art de Nijinsky a-t-il jeté les bases de la danse moderne, Mathias Auclair ? Alors Nijinsky est en fait un chorégraphe qui a assez peu d'œuvres dans son catalogue. Il a essentiellement trois ballets, L'après-midi d'un faune, Jeu, et Le Sacre du Printemps. Oui, mais enfin, c'est quand même pas rien. C'est quand même des œuvres qui ont marqué le XXe siècle. Plus quelques-unes encore d'autres. Mais chacune apporte un élément à l'histoire de la danse. Et c'est ça qui est assez extraordinaire chez Nijinsky. C'est le fait qu'à chaque fois, il se réinvente ou qu'il réinvente une nouvelle forme. Donc le faune avec cette composition en frise, puisée auprès des antiques du Louvre, qu'ils soient grecs, égyptiens ou assyriens. Jeu, ce garçon qui joue au tennis avec deux jeunes filles qui flirtent en jouant au tennis. Et puis, Le Sacre du Printemps, dont on a déjà parlé, avec aussi ses pieds en dedans et toute cette rythmique très particulière. Donc, ce sont évidemment tous des éléments qui ont façonné, avec évidemment aussi l'héritage duncanien, la danse moderne. Merci Mathias Auclair. Je rappelle que vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France et auteur avec Christophe Christy du livre Le ballet de l'opéra chez Albin Michel. À lire aussi, bien sûr, les cahiers de Vaslav Nijinsky, disponibles en poche chez Actes Sud. Et de l'auteur de la fiction, l'écrivain Didier Blonde, je conseille la lecture de son dernier roman, Le Figurant, paru cette année chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission, bien sûr. Dimanche prochain, changement d'ambiance, changement d'époque, nous partirons au début du XVIIIe siècle dans la mer des Caraïbes sur les traces de Mary Read, une femme pirate au destin aussi éphémère que flamboyant. Mary Read, pirate des Caraïbes, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, après le Flash, vous avez rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.